qu'à raconter. Mais j'ai dit n'est qu'à passer dans New York City. C'est l'eau qui a coulé dans le gun. La coule vient de songer. Plaisir à tout la caille. C'est nous n'a fait compter. La caille, nous n'allons chercher la vie, pour ne pas mourir grand-nous.